Dans un monde où l'on t'oblige à aller voir Alice au Pays des Merveilles au cinéma avec ta classe alors que son auteur était à la base Lewis Carroll, le plus grand pédophile que la Terre ait pu bercer. Un monde où tu découvres petit à petit la réalité de la vie comme une beurette qu'on aurait démaquillée à 90 degrés dans une laverie automatique. Rien n'est gratuit, sauf le droit de fermer ta gueule. Votre avis, on en a rien à péter. À l'école, quand on te demandait d'écrire sur un papier ce que tu voulais faire plus tard, c'était pas pour t'aider. C'était juste pour que le fils de pute en question se marre à la pause déj en racontant à ses collègues que le petit asthmatique rêvait de devenir médecin. T'as déjà vu un prof fier que tu réussisses tes examens, alors qu'à son cours tu branlais rien? Jamais. T'as déjà vu un conseiller d'orientation te dire qu'il croyait en toi malgré tes notes catastrophiques et prendre 5 minutes de son temps libre pour t'expliquer que dans la vie, oui, y'a des fils de pute qui vont te mettre des bâtons dans les roues et d'autres qui vont t'aider sans faire exprès. Moi, je voulais être vétérinaire, on m'a dit t'es mauvais en physique chimie. Ensuite, je voulais être informaticien, on m'a dit dommage, t'es une bite en maths. Et puis, j'ai voulu niquer des mères et là, j'ai découvert internet. Une source inépuisable d'informations à trier en continu jour et nuit, jusqu'à la fin de notre vie. J'ai alors découvert qu'on pouvait avoir une vie parallèle parfois plus intéressante que celle proposée à la base. Ma difficulté était alors de ne pas mélanger les deux, ce que j'ai encore du mal à gérer. J'ai énormément de mal à tolérer les gens fermés d'esprit, et encore pire ceux qui essaient de prouver le contraire tout en étant de simples clones d'une génération précocement obsolète. Les tatouages, Instagram, Snapchat, la télé-réalité, le vocodeur dans le rap français. Que vont devenir tous ces directeurs de chez Gucci en casquette TN et maillot du Bayern sur leurs photos de profil? Ces femmes PDG de chez Sephora incapables de copier-coller correctement une citation de merde d'Oscar Wilde sur leurs photos de profil? S'ils sont incapables de refléter un dixième même de ce qu'on pourrait nous tolérer au plus bas des étages, expliquez-moi pourquoi nos votes et le leur ont le même impact. Est-ce une démocratie que de laisser des abrutis décider qui va gouverner ton pays pour les prochaines années? Pourquoi avoir le droit de conduire temporairement coûte 2000 euros si le droit d'élire un incapable à la tête du pays est gratuit et même considéré comme un devoir de citoyen? On n'est pas tous égaux, arrêtez vos conneries. Et je parle pas de race, je parle de ce qu'il y a au fond de nous. 60% des gens passeront devant cette vidéo sans même cliquer, parce qu'ils espéraient de ma part une blague raciste, un clash, une photo d'Hitler ou un arabe qui vole un vélo. On appelle ça la sélection naturelle. Si vous entendez encore ma voix, c'est que vous êtes au-dessus de la moyenne. Ce n'est pas normal que pour trouver du travail en France, il faille faire autant de démarches et de preuves, alors que pour l'avenir du pays, il suffit d'avoir 18 ans. Regardez Énergie 12 et toutes les autres chaînes qui diffusent de la merde. Attendez que l'émission commence, coupez le son de la télé et concentrez-vous sur l'instrumental. Vous voyez ce qu'on est devenu? Vous savez ce qu'on va devenir? Quelqu'un sait comment changer ça? Moi, ça me rassure pas.